dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. Ouais mon frère, on a toujours fait du sale. Tu veux des putes, de l'oseille et des armes. Ouais la rue, on a rendu schizophrène. C'est la mort, pas la guerre qui nous freine. T'en rappelles en déficit, hey. Moi je suis dans l'illicite, hey. Sa daronne me félicite, je suis recherché par la balistique. J'ai jamais pris la fuite, un tracant c'est comme un tweet, hey. J'ai pas changé d'équipe, dans la sacoche j'ai l'automatique, hey. Et quand ça rafale, fallait, ça y est, prier comme un croyant, hey. Fallait tuer pour obtenir ce qu'on appelle le pognon, hey. J'ai dû casser ma cime quand il a craché l'escalope, hey. Attaché dans ma cave, il va pleurer comme une salope, hey. J'en ai plus rien à foutre, mon terrain c'est pas le foot, hey. Et quand j'étais sur écoute, tu parlais de Kino comme un fou. T'es venu au rendez-vous, oh. On t'a roué de coups, oh. Car tu nous devais des sous, on t'a laissé partir imposer tout. Bang. Même si tu fais un mètre ou deux mètres, pour toi j'ai mon heure millimètre. On veut la tête du chef pour la recette, de la zipette, des plaquettes, la malheur dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. Mais mon frère, on a toujours fait du sale. Tu veux des putes, de l'oseille et des armes. Ouais la rue, on a rendu schizophrène. C'est la mort, pas la guerre qui nous freine. À la base, y'a rien qui m'inquiète, moi, je le prends des balles dans la tête. Jack on est foncé, posé sur le canap, la tête qui tournait, c'est pas prêt de s'arrêter. Chez nous, on smoke weed every day, chez nous, on smoke weed, ça détend. Maintenant, ils ont un style de Miguel, je suis viril, j'ai des couilles, y'a pas l'homme. Et t'inquiète pas, on a les capacités, ça m'étonnerait que je m'arrête de si tôt. On me demande pourquoi t'as commencé si tard, je leur réponds que j'avais de la pelouse à tondre. Ah ouais, je couse, tu mets pas tes mains dans la bouffe, ouf, à la blasée, ça fout, j'aurais tout essayé, je m'en voudrais si ça foire. Ouais, 400 kilos dans le corps, j'en ai plus rien à foutre. On va tout péter, je m'en bats les reins si ça coûte. Pas trop du genre à parler avec toi si tu l'ouvres. Quand y'a fait gaffe, t'as reconnu la descente des loups. Même si tu fais un mètre ou deux mètres, pour toi j'ai mon 9 millimètres. On veut la tête du chef pour la recette. De la zipette, des plaquettes, la malheur dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. C'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre.